Dans mon monde, ma jean, la rue, y'a que des petits reptiles qui deal, esquivent les projectiles. J'te le jure sur la vie de ma ville. Rapril, vas-y, danse entre les kills et les civils. Délinquance dans mon monde et la France, souffrance immense quand j'y pense. C'est de la haine qu'on dispense, on fait pénitence au pénitencier. Dans mon monde, ça tourne pas rond. Les parents voient leur fils disparaître. Ça remonte les tarots, ils t'allument pour 2-3 barrettes. Des smicards, RMIs, tricards avec des voitures de ministres. J'ai défoncé sous Ricard, des comiques pires, bigards. Du XX quand t'administres. Dans mon monde, c'est club merde. Certains coffrent leur club, beaucoup n'ont plus rien à perdre. Les képis comme ça plante, des équipes équipées gangs. Arpente les rues de mon monde, d'autres purges des peines. Viens dans mon monde, tu verras que rien ne va. Se creuse les tombes, survivrai ta combat. Viens dans mon monde, y'a que des fêlés, des félins, des félons, des flics zélés, parce que tu vois la télé. Viens dans mon monde, tu verras que rien ne va. Se creuse les tombes, survivrai ta combat. Viens dans mon monde, y'a que des félins, des félons, des flics zélés, parce que tu vois la télé. Après les rêves, les cauchemars, le tosma et les stos bas. Les roses battent, scaldent comme des coups de batte. La raison devient factice, ça pactise avec la tease. Sympathise avec le biz, mais sur le vice. Le fils se diabolise, soi-disant se civilise. En temps de crise, sans user de vandalisme. Dans mon monde, y'a des décès, des excès de cessés. Des mamans stressées, on délaissait le gosse qu'elles versaient. Y'a des flaques de sang, des flagrants délits. Des élites de bac, des satellites nous traquent. Même quand t'es libre, t'es une statistique, veux le trafic au black. Roule ton dernier stick pour les schmilles, c'est un bon pronostic. T'es acteur de ton porno, car c'est ta tête que t'as stick. Là où le gosse te tue, nuit de noces, le coup de croche te tue. Des bastos constatent que ta masse prostitue. Dans mon monde c'est des teigneurs, les flammes de vie s'éteignent. Des teignes de l'antenne tiennent l'emblème de Zepekenyo. De la rafia sous les blues, les cousins ne se causent plus. Font la une des news, dans mon monde c'est ma vie. Viens dans mon monde, tu verras que rien ne va. Se creuse les tombes, survivrai ta combat. Viens dans mon monde, y'a que des félins, des félons, des flics zélés, parce que tu vois la télé. Viens dans mon monde, tu verras que rien ne va. Se creuse les tombes, survivrai ta combat. Viens dans mon monde, y'a que des félins, des félons, des flics zélés, parce que tu vois la télé. Dans mon monde, c'est honte de choc. Les achacalis, à fond dans une drôle d'époque. Si tu frimes, on te dévalise. Dans mon monde, y'a des braquages, des calaches ou les parkas. Des évasions au parquet, chacun pour sa carcasse. Mon monde, c'est bled en France. Du frais, du rince. Quand y'a du bif, des ranzettes en transe. Du blé, du chat. Dans mon monde, y'a des fectras, des clans d'ostabiscra. Des bouteilles dans le cul, comme Anto, la quinitra. Dans mon monde, c'est la mentale. Peu de respect parental, la loi du parabellum. Si tu parles, on te calme. Les darons partout, leurs fils vont en cage. Les mères font le ménage. Les sœurs déménagent. Ça pue, y'a peu d'héroïque, c'est un monde de terre. Les potos fument des spliffs, cap des mitch. Bouffe des sandwichs. Mais qu'est-ce qu'il croit l'enculé? Que je suis pestiféré? Viens dans mon monde, tu verras que rien ne va. Se creuse les tombes, survivrai ta combat. Viens dans mon monde, y'a que des félins, des félons, des flics zélés, parce que tu vois la télé. Viens dans mon monde, tu verras que rien ne va. Se creuse les tombes, survivrai ta combat. Viens dans mon monde, y'a que des félins, des flics zélés, parce que tu vois la télé.